começar. DJ Ramina, número 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go! Yeah, DJ Ramina, numero 1. Sopra Mava, Necklace Style, à la BMX Party 2014, la compo de l'été, destination Dubaï, Miami, Marrakech. DJ Ramina, Sopra Mava, à la BMX Dance. A la bien 2014, DJ Ramina fait bouger les gazos. Ton verre c'est le retour du soleil, mais c'est 6-5. Dans le bloc numéro 1, c'est Hamida. Avec la Bahana, avec le Sahara. خرج المحيا في البيتي اللي تيطانجي سي صح سي دون لا بيسين بو حتى ما بلونجي جيت حميدة خلاص فرتي موطور يعطيك سيدة بيت كونترو لي سي سوار سي لا كير لي تما اون لير سي سوار سي لا كير هسو يديكم لي مور مايدا في بيتي سونا تو بولي دو تا خورتا بيت كونترو لي تما اون لير الجيريا ماروكا تونيسيا فيها تو سما تراك دو لا فرانس جوسكو بي هلو DJ Hamida, Paris la capitale, capitaine comme Eric Capital. Hamida, tu vois qui peut faire mieux. Oui, arrête, ça d'arro, and ham, et t'égole. Vas-y, brûle la biche, tu marocain comme l'artiste. Alors bien, c'est Hamida au mix. J'ai un showcase à Jamal Fna en permis sur une calèche. Ce soir, c'est moi qui vous régale. J'fais que du lourd et que du sale. Symphonisé Hamida au platine. Bouge ton squelette à Chahma au tartine. Alors bien, mix party. 2014. Si, la famille lourd. Alors là les gars, je suis pas trop rail, mais franchement, sortez que les rouillas.